Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. La semaine passée, nous avons commencé l'étude du 19e hadith, le hadith d'Abdillah bin Abbas radiallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec lui sur une monture, lui a dit: Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk, ihfazillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'anta fas'a'in billah. Al-Hadith, akhrajahu al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas: Ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Observe les commandements d'Allah, protège Allah, il te préservera, il te protégera. Protège Allah, tu le trouveras face à toi. Et lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Et lorsque tu recherches l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et on avait donc expliqué le début du hadith. On avait aussi avant cela parlé d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Et on avait cité que le sens de Ihfazillah, protège Allah, était protège les ordres d'Allah en les mettant en pratique. Protège les interdits d'Allah en t'éloignant de tout ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc Ihfazillah, cela consiste à mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, à nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Celui qui met en pratique cet ordre recevra une grande récompense et un khayr azim, hifdullah. C'est qu'Allah le préservera. Il le préservera dans sa vie religieuse, il le préservera dans sa vie terrestre et tout ce qui a un rapport avec son bas monde. Il le préservera dans sa famille, dans ses enfants, dans son argent, dans sa santé, etc. Et nous sommes arrivés à la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'anta fas'a'in billah. Et lorsque tu demandes une chose, lorsque tu as un besoin, adresse-toi à Allah. Demande cette chose à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça rentre dans ad-du'a. Ça rentre dans ad-du'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a même ordonné dans le Coran de lui demander. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Et ton Seigneur et votre Seigneur a dit: Invoquez-moi et je vous répondrai. Et c'est connu dans l'étude des livres de Aqidah et de Tawhid qu'il est permis de demander une chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à trois conditions. Que la personne soit vivante, présente et capable. Que la personne soit vivante, présente et capable. Comme on avait cité dans l'étude, durant l'étude de Thalathatul Usul. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Ibn Abbas a délaissé les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et a se dirigé entièrement et complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: Wa idha sa'alta fas'alillah. As-su'al talabul mas'ala. Ben lorsque tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Pourquoi est-ce que lorsque tu as une chose à demander, Ya Ibn Abbas, il te faudra te diriger vers Allah? Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique cela et lui dit: Sache que si l'ensemble de la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne réussiront pas à le faire, sauf selon ce qu'Allah t'a écrit. Donc pourquoi tu te dirigerais vers une créature, alors que si l'ensemble des créatures se seraient réunis pour te faire un bien, ils ne pourraient le faire. si ce n'est le bien qu'Allah t'a déjà écrit. Alors à quoi bon se diriger vers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? De plus, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu vas lui demander, selon sa capacité, elle va te le donner peut-être ou pas. Et ce qu'elle va te donner, d'où cela lui vient-il? Ça lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi passer par la créature alors que tu peux demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala? Et médite ce verset, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mes serviteurs se questionnent à mon sujet, je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. On a pour habitude de voir dans le Coran, il te demande telle chose, dis. Il te demande telle chose, réponds. Il te demande telle chose, dis. Mais dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit faqul. Il a dit directement, je suis proche. C'est pour nous montrer que dans être talab, dans la demande, dans être du'a, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Tu passes directement vers Allah subhanahu, chez Allah tabaraka wa ta'ala. Tu t'adresses directement à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui répond à ton besoin, qu'il soit religieux ou qu'il ait un rapport avec les choses de ce bas monde. Et celui qui demande une chose à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, que seul Allah tabaraka wa ta'ala peut accorder au serviteur, il aura commis le pire péché, al-ishraku billahi al-azim. Man talaba shay'an li ghayri Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah faqad ashraka billahi al-azim faqad sarafa shay'an min haqqi Allahi tabaraka wa ta'ala ila ghayrihi wa huwa azlamu adh-dhulm wa a'zamu adh-dhanb وسوء الظن برب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous éduque à rechercher l'aide auprès d'Allah et à demander à Allah en nous disant sois motivé dans ce qui t'est profitable. واستعن بالله. Et recherche l'aide auprès d'Allah. Quand tu as une affaire à accomplir, fais les causes. Mais ne t'en remets pas à ses causes. Tu dois compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala et ton cœur ne doit pas se diriger vers les causes. Ton cœur doit se diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de demander à Allah subhanahu wa ta'ala toutes choses. Au point où certains disent أسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء حتى الملح. Certains disaient je demande à Allah Azza wa Jal tout ce dont j'ai besoin, même le sel. Même le sel. Et quand la chaussure de l'un d'entre eux se déchirait, il demandait à Allah Azza wa Jal de la lui remplacer. يظهر الافتقار أمام الله سبحانه وتعالى. Tu dois montrer et faire apparaître ton besoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime te voir dans cet état. Allah aime te voir lever tes mains et lui demander ce dont tu as besoin, que ce soit des choses religieuses ou que ce soit les choses de ton bas monde. Et Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, cela chaque nuit. Comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi thuluthay layl akhir fayas'al fayaqul hal min sa'ilin fa'u'tiyah hal min mustaghfirin fa'aghfirah. Al hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah descend au ciel de ce bas monde chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et demande, il s'adresse à ses serviteurs et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande une chose afin que je la lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon afin que je le pardonne? Subhanallah, Allah n'a pas besoin de toi. Mais par rahma envers toi, par pitié et miséricorde envers toi, il t'appelle. Il t'appelle au moment où l'invocation est acceptée et te demande de lui demander afin qu'il te donne. Et cela nous montre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et sa générosité envers le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala est riche, généreux, miséricordieux, vivant et ne meurt jamais. Celui qui réunit ces caractéristiques, c'est celui qui mérite qu'on se dirige vers lui subhanahu wa ta'ala. Et il a ces caractéristiques et bien plus encore. Le fils d'Adam, lorsque tu lui demandes, peut-être qu'il te donne, peut-être qu'il ne te donne pas. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il répond toujours à l'appel de son serviteur. Soit il te donne directement, soit il retarde la réponse pour un bien qui te revient, soit il te garde cela pour Yawm al-Qiyam. Mais il répond toujours à l'invocation de son serviteur tant que celui-ci ne se presse pas, en disant j'ai demandé, on ne m'a pas donné. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala et détourne-toi des créatures qui, elles, n'aiment pas que tu leur demandes. Et si elles acceptent la première fois, elles ont du mal à accepter la deuxième fois. Et si elles acceptent la deuxième fois, elles n'acceptent pas la troisième fois. C'est pour ça que le poète dit « Allahu yardabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yardabu » Le poète dit « Allah, si tu délaisses la demande, si tu ne demandes pas à Allah, il se met en colère. Et le fils d'Adam, lorsque tu lui demandes, il se met en colère. » Donc on doit se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont les trésors sont remplis, au point où, dans le hadith Qudsi, il nous dit, si le premier d'entre vous, jusqu'au dernier d'entre vous, l'ensemble des djinns et l'ensemble des hommes étaient réunis sur une et même place, sur une seule et même place, et que chacun demandait à Allah tout ce qu'il souhaite, et qu'Allah accordait à chacun tout ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa royauté. Subhanallah. Si ce n'est à l'image de l'aiguille qu'on rentre dans la mer et qu'on ressent. Regardez ce que ça prend comme eau. Si tu prends une aiguille, tu la rentres dans la mer et que tu la ressens. Est-ce que ça va diminuer le niveau de la mer? Non. Ça ne va pas diminuer. Ben, les richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas les faire diminuer avec nos demandes, aussi nombreuses seraient-elles. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Alami, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim et c'est Malik Yawm al-Din. C'est le Seigneur des mondes, celui qui nous a éduqués en nous donnant de ses bienfaits. C'est celui qui a de la rahma envers ses serviteurs et qui leur fait miséricorde. C'est le maître du jour du jugement dernier. Et c'est le maître de ce bas monde. C'est donc celui qui mérite entièrement toute l'adoration. Mais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin d'aide. Parce que tu as été créé et tu es faible. Allah dit dans le Coran, wa khuliqa al-insanu dha'if. On a créé l'homme faible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit wa idha sa'alta fas'alillah, nous dit wa idha sa'alta fas'ta'in billah. Et lorsque tu recherches l'aide, demande-la à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous, dans la surah la plus immense du Coran, celle dont il nous a rendu l'arrestation obligatoire dans chaque prière, dans chaque unité de prière, que ce soit une prière obligatoire ou que ce soit une prière surrogatoire, suratul Fatiha. ولعظم مكانة الاستعانة وشدة حاجة العبد إليها كررت وأمرنا بتلاوتها وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بقراءتها في كل ركعات من صلواتنا لأن فيها أو ومنها إياك نعبد وإياك نستعين. Et devant l'importance de cette adoration qui est la demande d'aide. Al-isti'ana talabul aoun. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, par pitié pour nous. Et devant l'immense besoin du serviteur, il nous a rendu obligatoire la récitation de Suratul Fatiha. Et cette sourate contient un verset qui est « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » comme vous le savez tous. C'est toi seul que nous adorons. Et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Et une remarque, dans la traduction du Coran en français, on trouve que nous recherchons le secours. Al-Isti'ana se traduit par la demande d'aide, pas par la demande de secours. La demande de secours, c'est Al-Isti'ana. Taïb. Donc dans Surat Al-Fatiha, dans chaque unité de prière, tu devras la réciter. Et il y a dans celle-ci, c'est toi seul que nous adorons. Ce qui revient à dire La ilaha illallah, ça a le même sens que La ilaha illallah. Tu dois donner l'adoration à Allah Azza wa Jal et ne pas, et l'accorder à aucun autre que lui. Et tu dois renier le droit à l'adoration à tout, pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah nous dit Wa iyyaka nasta'in. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala et d'autres parmi les savants ont dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans ce verset, on a commencé par le but. On a commencé par le but. Le but, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Iyyaka na'budu. Puis, on a cité la cause qui pourra te permettre d'atteindre ton but. C'est quoi ? Wa iyyaka nasta'in. C'est la demande d'aide. Pourquoi ? Parce que le serviteur est trop faible pour adorer Allah Azza wa Jal comme Allah lui a demandé. Alors, après avoir su le bien, il doit demander à Allah tabaraka wa ta'ala de l'aider à l'adorer. Wallahi, que pour dire une bonne parole, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour éviter une mauvaise parole, tu as également besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula Allah, et si ce n'était pas à la cause d'Allah et sa grâce sur nous, on n'aurait pas pu prononcer cette parole par laquelle nous sommes musulmans. Et si ce n'était Allah, on n'aurait pas pu sortir de chez nous et marcher jusqu'au masjid. Et wallah, si ce n'était pas la grâce d'Allah, on n'aurait pas pu poser notre front par terre chaque jour. Et si ce n'était pas la grâce d'Allah, on n'aurait pas pu obéir à nos parents, et on n'aurait pas pu sortir la zakat, et on n'aurait pas pu jeûner le mois de Ramadan, ni effectuer le pèlerinage à la maison sacrée, et l'ensemble des adorations. Donc je suis dans le besoin constant de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta bihajatin ila Allah subhanahu wa ta'ala li'ajli an ta'buda li'ajli an tujahida nafsak li'ajli an tukhalifa al-hawa li'ajli an tastaslima li'amrihi al-qadari wal-kawni. Tu as besoin de l'aide d'Allah pour combattre tes passions contre toi-même. Tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ton âme, elle peut t'inciter au mal. Ton âme peut t'inciter au mal et à désobéir Allah Azza wa Jal. Tu as besoin d'Allah pour combattre tes passions, car tes passions te poussent vers la facilité, vers sa désobéissance, vers la transgression. Alors tu as besoin d'Allah pour qu'il te préserve contre l'obéissance à ses passions qui t'emmènent vers sa désobéissance. Tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui obéir, comme on a cité dans le verset « Wa iyyaka nasta'in ». Tu as besoin d'Allah pour ne pas lui désobéir. Donc toute ta vie, elle repose sur ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Car tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jalla. Et tu ne pourras réaliser ton but sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idha sta'anta fasta'in billah. Voici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc lorsque tu as besoin d'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et ça nous amène à une autre parole qui est immense et qui est un kanz min kunuz al-jannah. Rentre dans les trésors des trésors du paradis qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer d'un état à un autre, d'un mal vers un bien, d'un péché vers une obéissance, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Si ce n'est avec l'aide d'Allah. Celui qui a compris cela, lorsqu'il aura une chose à demander, il la demandera à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette phrase a la plus grande importance. L'ensemble des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont énormément d'importance, et tout particulièrement ce passage-là. Ensuite, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, wa'alam, sache. Pourtant, la science est déjà passée dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya'ulam, inni allimuka kalimat. Au jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Pourquoi alors ici, il a répété la science? Pourquoi ici, il a répété la science? C'est pour attirer son attention sur ce qui va venir, car ça a la plus grande importance. En arabe, lorsque tu dis « i'lam » à quelqu'un, c'est pour attirer son attention, car ce qui va être cité a la plus grande importance. Comme on avait expliqué dans le charh de l'usul al-salah, et dans qa'ad al-arba'a. « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Après ce verbe-là, il n'y a que des choses importantes. Donc ici, quelle est cette chose importante? Qu'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas? Cette chose importante est « wa'lam » أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. C'est chose importante, et sache que si l'ensemble de la communauté se réunit dans le but de t'être bénéfique, elle ne pourra t'être bénéfique que par une chose qu'Allah t'aura écrite. Si l'ensemble de la communauté, Al-Umma, ça a plusieurs sens dans la langue arabe. Ce qui est voulu ici par Al-Umma, c'est l'ensemble des gens, la communauté, le groupe. Hein? Ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'ensemble des gens se réunissaient pour t'amener un bien, que ce soit dans ta religion ou que ce soit dans ta dunya, ils ne pourraient faire cela sauf la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait déjà décrétée dans le destin. Sauf la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait déjà décrété dans le destin. Et on a vu dans le quatrième hadith, le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que lorsque il y a 4 mois révolus, l'ange vient inscrire 4 paroles dans le ventre de la mère, et parmi cela, ton destin, tes actions, ta subsistance. Et est-ce que tu vas vivre heureux ou malheureux? Donc le destin a été décrété. Le destin a été décrété. Si tout le monde, l'ensemble des gens, les gens forts, les gens miséricordieux, les gens riches, etc., se réunissent pour te faire un bien, ils ne pourront pas te toucher par ce bien. Ils ne pourront pas être profitables avec ce bien. Si ce n'est la part qu'Allah Azza wa Jalla t'a déjà écrite. T'as déjà écrite. Et de cela on tire Ithbatul Qadar, l'affirmation et l'affirmation de du destin et l'obligation de croire au destin, bon ou mauvais. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a écrit ne pourra te rater, et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a pas écrit ne pourra te toucher. Celui qui a cette aqida, celui qui a cette croyance et la certitude dans ce passage, il n'aura plus jamais peur de quelqu'un en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il ne placera plus jamais sa confiance en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui a cette croyance-là deviendra l'homme le plus fort, deviendra l'homme le plus intelligent et saura comment se comporter dans l'aisance et dans la difficulté. Si un groupe de personnes se réunissent pour lui faire un mal, il aura la certitude que ces gens-là, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force et leurs moyens, ils ne le toucheront d'aucun mal. Si ce n'est ce qu'Allah lui avait déjà écrit, alors il n'aura pas peur. Il sait également que lorsqu'il a un besoin, c'est toute la communauté sunnie, pour lui donner ce bien, il ne pourra l'obtenir si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla, si Allah lui avait déjà écrit. Alors cet homme-là placera sa confiance chez Allah, pas auprès des gens. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui possède l'ordre tout entier. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. C'est celui qui gère tout et qui administre tout, subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, awwaluma ou bien awwala ma khalaqallahu al-qalam. Il y a une lecture awwal, mais ça change le sens. Il y a un khilaf entre les savants, est-ce que le qalam, la plume, c'est la première chose qui a été créée ou pas? Si on dit awwalu, ça ramène ce sens-là effectivement. Et si on dit awwala, c'est les zarfiyya, et ça ramène que dès qu'Allah a créé la plume, la première chose qu'il lui a ordonné, c'est ce qui suit dans le hadith. Mais une parole forte, c'est de dire que c'est l'arche qui a été créée avant. طيب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. La première chose qu'Allah a ordonné à la plume lorsqu'il l'a créée, il lui a dit écris. La plume a répondu qu'est-ce que j'écris? Allah lui a dit ma huwa ka'in ila yawm al-qiyam. Écris tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Donc tout a été inscrit, Allah a tout décrit. Et tout cela est inscrit dans un livre qui s'appelle Al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes préservées. Tout est écrit sans exception. À partir du moment où tu sais que tout a été écrit, tu n'auras peur de personne. Et tu placeras ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite le Coran et qui médite la Sunna, il verra comment les prophètes et messagers se sont comportés lorsqu'ils ont eu la certitude dans cela. Prenons pour l'exemple l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple à l'islam et lorsqu'il leur a ordonné et les a conseillés de délaisser l'adoration des idoles et des constellations. Son père s'est mis contre lui, son peuple s'est mis contre lui et il s'est retrouvé tout seul contre son peuple. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'ensemble de la communauté se réunit pour te toucher d'un mal, ils ne pourront pas le faire si ce n'est ce qu'Allah t'a écrit. Ben regardez la preuve dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, alors que c'était le jour du Eid, les gens sont partis faire leur Eid de cas de Koufa, où il y a l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal, et ainsi de suite. Ibrahim alayhi salam a prétexté qu'il était malade pour ne pas aller avec eux. Il n'a pas voulu s'unir avec les gens du mal. Lorsqu'ils sont partis, lui s'est dirigé vers leurs idoles. Il a cassé toutes leurs idoles. Et a laissé qu'une seule. En a laissé qu'une seule, la plus grande. Lorsqu'ils sont revenus, ils lui ont dit, est-ce que c'est toi qui as cassé nos idoles? Il a dit non. Demandez à la plus grande si elle peut vous répondre. Ils savent très bien que les idoles ne peuvent pas parler. Mais Ibrahim alayhi salam a voulu les amener à ce qu'ils méditent. À ce qu'ils méditent sur la faiblesse de leurs idoles. Une idole qui ne peut pas, une chose que tu adores, alors qu'elle ne peut même pas te répondre. Ensuite, ils sont revenus un instant à la raison, mais ils se sont rétractés. Et les gens du peuple d'Ibrahim ont comploté contre lui et lui ont ordonné de revenir à leur religion. Chose qu'il a évidemment refusée. Par la suite, ils ont attisé un feu ardent, immense, au point où on ne pouvait pas s'approcher de ce feu. Alors ils ont préparé des manjaniks, des catapultes, ont mis Ibrahim alayhi salam dessus pour le projeter dans le feu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décrète les choses et c'est lui qui décide. Ils l'ont donc jeté dans le feu. Mais Allah Azza wa Jal a ordonné au feu de devenir prêcheur salutaire. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Aradu bihi kayda faj'alnahum al-asfalin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sourate Al-Anbiya, on a ordonné au feu de devenir prêcheur salutaire. À quel moment? Lorsqu'ils ont jeté Ibrahim alayhi salam dans ce feu. Le feu qui a pour nature de détruire, de brûler, a eu cette fois une nature différente. Parce que même le feu est soumis à Allah azza wa jalla. Subhanallah. Allah a parlé au feu et le feu s'est soumis. Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam n'a reçu aucune nuisance. Donc regardez la Ummah devant Ibrahim qui s'unit pour lui faire un mal. Mais ils n'ont pas pu lui faire ce mal car Allah Azza wa Jal ne l'avait pas décrété. Allah Azza wa Jal l'a défendu. Un autre exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Kuffar Quraysh au Tawhid et qu'ils l'ont combattu, lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à faire s'éloigner des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ils ont utilisé tous les moyens. Ils ont agressé les compagnons. Ils les ont torturés et ont assassiné une partie d'entre eux. Ils les ont fait fuir. Ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont menti sur l'islam. Donc ce que vous entendez au jour d'aujourd'hui lorsqu'ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et font du mal aux musulmans et ainsi de suite, ça n'est pas une innovation que les gens dès maintenant ont fait. Mais leurs ancêtres étaient sur ce chemin déjà. Leurs ancêtres étaient sur ce chemin déjà. Ils essayent de faire fuir les gens de l'islam en mentant, en trompant les gens et les faibles d'esprit. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jalla décrète une chose, elle se réalise. Et Allah a décrété que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait propager son message. Et que les gens allaient rentrer dans la religion en masse. Et lorsqu'Allah décrète une chose, personne ne peut la repousser. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à faire fuir les gens de cette religion, la religion d'Allah, ils se sont réunis. Et on dit, on va ramener l'homme le plus fort de chaque tribu. Et on va donner à chacun une épée. Et ils vont assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup, comme un seul homme. Comme ça, ils ne pourront pas combattre toutes les tribus et demander le prix du sang. Ils seront donc obligés d'accepter Ad-Diya. Ils ont comploté. Ils se sont unis pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala en a décidé autrement et n'avait pas décrété cela. Il lui a frayé un chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé à Médine, a mis en pratique, a fondé le premier état islamique, et 10 ans plus tard il est revenu à la Mecque et a conquis la Mecque et a détruit les idoles. Subhanallah. Subhanallah. La communauté s'unit pour faire un mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, al-qawi, al-aziz, le défend. Jalla wa azz. Une autre histoire, la bataille de l'Ahzab. L'ensemble des associateurs, des tribus, se sont réunis. Avec qui? Avec Banu Qurayza et d'autres. Pourquoi? Pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ils sont venus, ont trahi le pacte, ont attaqué les compagnons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir pris le conseil de Salman al-Farisi, avait creusé des tranchées autour de Médine pour qu'ils ne puissent pas les attaquer. Allah Azza wa Jal, devant les Ahzab, les coalisés, ils se sont unis pour leur nuire. Il a juste envoyé un vent. Il a juste envoyé un vent et les compagnons n'ont même pas eu à combattre. Et il a repoussé leur stratège ou leur stratagème avec un vent. Qui est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu sais tout ça, subhanallah, comment est-ce que tu vas craindre les créatures alors que tu sais que si tu as un besoin, tu le demandes à Allah et Allah Azza wa Jalla te l'accorde. Ajoute à cela qu'Allah aime que tu lui demandes. Et Allah est riche et généreux, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette croyance sera la personne la plus riche, car il a la richesse du cœur. Il voit qu'il n'a besoin de personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il voit qu'il n'est l'esclave de personne si ce n'est l'esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même lorsqu'il reçoit un bien des gens, il sait qu'Allah l'avait décrété ce bien. Et il est reconnaissant envers les gens parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla. Mais il sait qu'il n'a besoin de personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et tout ce qui lui provient des créatures d'Allah n'est en vrai qu'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a dirigé le cœur de ce serviteur vers toi. Lorsqu'on te donne et qu'on te redonne, ton cœur ne doit pas pencher vers ces gens-là. Tu te montres reconnaissant envers eux, mais ton cœur se dirige vers le haut, vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a mis dans leur cœur l'envie de te donner et de te faire du bien. Mais en vrai, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Idan hadhihi al-izza wa hadhihi al-rif'a al-aliyah. فكونوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى دائما مرتبطين أو مرتبطين بربكم سبحانه وتعالى. Et si jamais un mal te touche, ben sache que cela avait été décrété. À ce moment-là, tu devras te montrer patient. Et c'est un bien pour toi. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Suhayl, « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhaka li ahadin illa lil-mu'min, in asabahu khayran shakar fa kana khayran lah, wa in asabathu darra ماذا صبر فكان خيرا له. Comme est étonnante l'affaire du musulman, du croyant plutôt, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par un bien, il se montre reconnaissant, c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un mal, il se montre patient et c'est également un bien pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit رفعت الأقلام وجفت الصحف. La plume a été levée et les feuilles ont séché. Al-qalam, il y a plusieurs sortes de plumes. La première, c'est celle qui est la plus connue. C'est la plume qu'Allah Azza wa Jal a créée et à qui il a donné l'ordre de tout écrire dans les tablettes préservées. Dans les tablettes préservées. Mais il y a d'autres écritures. Il y a l'écriture qui est décrétée chaque année, Laylatul Qadr, par exemple. Il y a ce qui a été écrit aussi dans le ventre de la mère lorsque l'enfant dépasse 4 mois, 120 jours, comme on a vu dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Et ce qui est voulu ici, c'est que le destin et ce qui a été décrété. Et c'est une chose inéluctable. Ça ne change pas. Donc ça a été décrété, ça a été écrit, ça a été décidé. C'est une chose qui est passée et révolue. C'est une chose qui est passée et qui est révolue. Wajafat al-suhuf, et l'encre a séché, et les feuilles ont séché, c'est-à-dire ce sur quoi a été écrit le destin. C'est-à-dire ce sur quoi a été écrit le destin. Il y a une autre version du hadith qu'a cité ici l'auteur, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, donc la première chose qu'on a citée, rawahu al-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghayri al-Tirmidhi. L'auteur nous dit dans une autre version, autre que celle de l'imam al-Tirmidhi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allahi fi al-rakha ya'rifka fi al-shiddah. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. L'autre version est: observe les commandements d'Allah, donc protège Allah, tu le trouveras devant toi. Souviens-toi d'Allah dans les moments faciles, dans l'aisance. Il se souviendra de toi dans la difficulté. Et sache que la victoire vient avec la patience. Et la délivrance après l'affliction et la difficulté. Et qu'après la difficulté vient une facilité. Cette version du hadith a été rendue faible par plusieurs savants du hadith. Cette deuxième version du hadith a été rendue faible par plusieurs personnes faisant partie des savants du hadith. Mais plusieurs passages ont des preuves dans le Coran et la Sunna. Mais plusieurs passages ont des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Taïr. Ihfadillah tajidhu amamak, ça a le même sens que dans la première version. Ihfadillah, ihfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ensuite, ta'arraf ilallah firracha. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, ya'arifka fi shidda. Il te connaîtra, il se rappellera de toi dans la difficulté. Dhikrul ma'rifa, le fait de parler de ma'rifa quand tu parles d'Allah, fi nazar. Ça se discute. Donc ceux qui ont rendu faible ce hadith n'utiliseront pas de ce hadith al-ma'rifa pour Allah. Pour Allah Azza wa Jalla, ce qui est venu dans les textes, c'est al-ilm. C'est al-ilm. Et les savants ont divergé. Est-ce qu'il y a une différence entre le ma'rifa et al-ilm? À la kulli hal, on affirme à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on revient au sens, on voit que le serviteur doit se montrer reconnaissant lorsqu'Allah lui donne des biens. Shukrun ni'am wajib. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné la reconnaissance devant ses bienfaits. Et si lorsque tu es dans le bienfait, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jalla et que tu te montres reconnaissant, bah Allah t'a fait la promesse dans le Coran de maintenir ton bienfait et de te l'augmenter. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai de mes bienfaits. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est douloureux. La reconnaissance dans l'aisance fait donc partie des actions qu'Allah Azza wa Jalla aime et agrée. La reconnaissance est donc une adoration. C'est une adoration. Et lorsque tu seras dans une difficulté, du fait que dans l'aisance, tu t'es montré reconnaissant, bah Allah Azza wa Jal va te secourir dans ton affliction, dans ta difficulté. Il ne va pas t'abandonner. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'abandonner. Lorsque tu as un ami fidèle et proche, et que tu te montres bienfaisant envers lui, droit envers lui, tu l'aides tout le temps, tu es toujours présent pour lui. Lorsque tu as une difficulté, est-ce qu'il s'éloigne de toi ou bien est-ce que c'est le premier à être là? C'est le premier à être là. Et c'est une créature faible comme toi. Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus fort, le plus riche, le vivant qui ne meurt jamais? Sans aucun doute, si tu te montres pieux envers lui, lorsque tu auras une difficulté, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, tout comme il n'a pas abandonné Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Pourquoi cela? Parce qu'Ibrahim alayhi salam a appelé les gens au tawhid. A appelé les gens au tawhid dans l'aisance, il les a appelés à revenir à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à délaisser l'adoration d'autres que lui. Ibrahim alayhi salam a choisi Allah à toutes les créatures. Khalil al-Rahman. Alors Allah Azza wa Jal l'a secouru lorsqu'il s'est retrouvé dans la difficulté, dans le feu. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont été secourus par Allah Azza wa Jal lorsqu'ils étaient dans la grotte. Et qu'à leur trousse il y a eu les ennemis. Et on avait mis une rançon pour celui qui les ramène à midi à Mecca. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la grotte et qu'on a entendu les pas des ennemis, la grotte était vers le bas. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Ya Rasulallah » au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous apercevra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutawakkilu ala Allahi rabbil alamin, celui qui place entièrement toute sa confiance en Allah, a répondu, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que penses-tu au Abu Bakr? Au Abu Bakr de deux dont Allah est le troisième. La ilaha illallah. Cette parole ne peut sortir que de celui qui a un cœur rempli de tawakkul ala Allah, qui a une confiance parfaite en Allah Azza wa Jalla et qui a la certitude en ces paroles qu'on a lues. C'est-à-dire que si l'ensemble de la communauté s'unit pour te faire un mal, ils ne pourront le faire sauf ce que Allah Azza wa Jalla t'a écrit. Et Allah Azza wa Jalla avait fait la promesse qu'il allait parachever sa religion. Allah a fait la promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait le secourir et qu'il allait compléter son message. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Abu Bakr, et Abu Bakr a eu foi en ses paroles. Allah Azza wa Jal a donc cité cela dans le Coran, et c'est un verset qu'on récite jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal le voudra. Il a qurbi qiyam al-sa'a. La tahzan inna Allah ma'ana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Une autre histoire qu'on peut rentrer dans plusieurs passages de ce hadith, l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il était chez Banu Israël, et comme vous le savez, il a été éduqué sous le toit de Pharaon, alors que Pharaon le cherchait partout. Il était sous son toit et Allah Azza wa Jalla l'a préservé. Ensuite, lorsqu'il a grandi, Allah Azza wa Jalla lui a donné la révélation et lui a ordonné d'appeler Pharaon au Tawhid. Il l'a aidé de Haroun, son frère, dans sa mission. Puis Pharaon a refusé son message, l'a combattu. À la fin, il a levé son armée pour en finir avec Moussa alayhi salam et son peuple. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Moussa de partir de nuit et de se diriger vers telle direction. Moussa alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est qu'Allah n'abandonne pas son serviteur. Ils ont avancé. Ils sont arrivés à destination, mais ils ne pouvaient plus avancer. Ou bien ils sont arrivés devant la mer. Et ils n'ont pas pu atteindre leur destination. Derrière eux, il y avait Pharaon et ses alliés. Devant eux, il y avait la mer. Et il n'y avait donc plus d'issue. Alors le peuple de Moussa a dit, Banu Israël a dit, Inna la mudrakoum, on est cerné. On est cerné. Mais Moussa alayhi salam, celui qui n'avait aucun doute quant au fait qu'Allah Azza wa Jal, même si toute une communauté s'unit pour te faire un mal, si Allah ne l'a pas décrété, cela ne te touchera pas. Et Allah avait fait la promesse à Moussa alayhi salam de le secourir. Ya subhanallah. Avec tes yeux, tu vois une chose, mais ta aqidah est différente. Si on juge selon ce qu'on voit dans cette situation, c'est quoi? C'est la fin. Sahlala, c'est la fin. Il y a l'ennemi avec une armée et des moyens immenses, et devant toi il y a la mer, derrière toi il y a l'ennemi, tu peux aller nulle part. Et vous êtes en situation de faiblesse. Mais la promesse d'Allah est vérité. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah Azza wa Jalla le secourt et ne l'abandonne jamais. Alors Moussa alayhi salam a dit, Kalla, inna ma'ya rabbi. Jamais. Il n'aura pas dit non, on ne va pas se faire attraper, non. Et ainsi, non, il leur a dit une parole bien plus haute que cela. Il leur a dit jamais. Kalla. Il a réfuté leur parole. Et cette parole nous montre combien Moussa alayhi salam avait confiance en Allah Azza wa Jal dans sa promesse. Et il a justifié sa parole et sa confiance en Allah Azza wa Jal en disant Inna ma'ya rabbi. Il y a avec moi mon Seigneur, al-ma'iyatul khas. Il me voit, il m'a sous sa charge. Il me défend, me protège, me secourera. Et ne me livrera pas à l'ennemi. Que s'est-il passé lorsque Moussa alayhi salam a eu cette aqidah? Allah Azza wa Jal lui a ordonné de taper de son bâton la mer. La mer s'est levée. La mer s'est soumise à Allah Azza wa Jal. La mer s'est soumise à Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme le feu s'est soumis pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Ibrahim a été jeté dedans. La mer s'est levée. Et il y a eu 12 chemins. La terre a séché. Allah a ordonné à la terre de devenir sèche. Et ils sont passés. Et il y avait 12 chemins pour 12 tribus. Car Ibn Israël était 12 tribus. Et ils sont passés. Voilà. Ou bien voici un exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des meilleurs exemples, c'est l'exemple des trois qui étaient dans la grotte. Alors qu'il y a eu une pluie, ils se sont abrités dans une grotte et un gros rocher s'est mis devant la porte. Ou bien devant la sortie. Ils n'avaient aucun moyen de communication et personne ne savait où ils étaient ni leurs besoins. Alors l'un d'entre eux leur a dit, rien ne vous sauvera. Rien ne nous sauvera de cette situation si ce n'est en invoquant Allah Azza wa Jal par nos actions les plus pieuses, les plus sincèrement faites pour lui. Le premier à invoquer Allah Azza wa Jal avec At-Tawassul, en citant sa piété envers ses parents. Le deuxième à citer le respect du dépôt et le salaire de son employé. Et le troisième à citer Al-Iffa, Mada, sa chasteté et sa crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal les a secours. Ils sont cités ce qu'ils ont fait dans l'aisance. Et Allah Azza wa Jal, dans la difficulté, les a secours. Subhanallah. Dans la difficulté, il les a secours. Et les savants, c'est l'histoire d'un homme qui s'est perdu et qui n'avait plus de subsistance. Il était coincé dans un endroit. Durant 14 jours, il n'avait ni à boire ni à manger. Cet homme-là avait pour habitude, donc il avait des bêtes, des vaches, ainsi de suite, il avait pour habitude de donner sa vache au voisin qui comptait parmi eux des orphelins, ou bien de traire cette vache et de leur donner du lait chaque jour. Il leur faisait sadaqa, c'était des orphelins, il leur faisait du bien. Lorsqu'il a été perdu et bloqué dans son endroit, il était assoiffé, il n'avait plus rien. Alors il a levé ses mains vers Allah Azza wa Jal. Il a recherché le secours auprès de lui. Il a recherché la subsistance auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a mis un récipient de lait devant lui. Personne ne lui a amené, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a pris ce récipient et il l'a bu. Et il a reconnu le goût de sa vache. Il a reconnu le goût de sa vache. Subhanallah. Un jour, deux jours, trois jours, et chaque jour devant lui, il avait sa subsistance. Au 14e jour, ou bien au 13e jour, après le 13e jour, il n'a pas reçu cela. Et le 14e jour, alors que pendant ce temps-là, les gens étaient à sa recherche, comme lorsqu'une personne disparaît, une personne l'a trouvé. Et ils lui ont dit, c'est toi? Il a dit, oui, c'est moi. Ils l'ont ramené, ils lui ont dit, comment est-ce que tu as fait pour survivre pendant ces 14 jours? Il leur a dit, d'abord je vais vous poser une question. D'abord je vais vous poser une question. Moi je faisais telle bonne action envers mes voisins les orphelins. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a demandé à sa famille, est-ce que vous avez continué ou pas? Ils ont dit oui. Pendant 13 jours, mais le 14e jour on n'a pas fait ça. Chaque jour on leur donnait le lait. Mais le 14e jour on ne leur a pas donné. Il leur a dit je sais. Ils leur ont dit comment tu sais? Et il leur a raconté l'histoire. Yani, le bien qu'il faisait envers ses orphelins, par ce bien-là, Allah Azza wa Jal lui donnait sa subsistance. Et lorsqu'un jour ils n'ont pas fait ce bien à ses orphelins, ben la subsistance s'est interrompue momentanément. Et cela nous montre que lorsque tu es dans l'aisance, il faut être bien dans ton dîn, pour que lorsqu'une difficulté te touche, le secours d'Allah Azza wa Jal te touche. Et les exemples sont bien plus nombreux que cela. Voilà pour ce hadith. On aurait pu citer l'histoire de la mère de Ismaïl. L'histoire de la mère de Ismaïl, Hajar, lorsque Ibrahim alayhi salam l'a laissé à Mecca, alors qu'à l'époque il n'y avait ni eau, ni culture, ni subsistance. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de partir. Il l'a laissé avec son enfant, subhanallah, et une seule gourde d'eau. Elle lui a dit à Ibrahim, il amène tatrukuna, oh Ibrahim, à qui est-ce que tu nous laisses? Et lui avançait sans se retourner, subhanallah. Ton enfant que tu as eu après avoir atteint un âge avancé, tu le laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle lui a dit, Allahu amaraka bidhalik, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Ibrahim a répondu oui. Elle a répondu, alors il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Là il est là. Où est-ce qu'on va trouver une femme comme Hajar? Où est-ce qu'on va trouver une femme comme Hajar? Mais où est-ce qu'on va trouver un homme comme Ibrahim qui va éduquer Hajar? Taïb. L'homme se soumet à Allah et la femme place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Quel couple! Et lorsque tu vois cette union-là, bah ça donne des enfants comme Ismaïl alayhi salam, comme Ishaq alayhi salam, qui lui est le fils de Sar. Lorsque l'eau est venue à manquer, Hajar s'est levée et a cherché de l'eau pour son enfant. Elle a vu le mont le plus proche qui était Safa. Elle est montée, elle recherchait des gens pour lui venir en aide. Ensuite elle est partie, le mont le plus proche c'était Marwa. Elle est montée et elle a fait comme cela 7 allées. 7 allées, pas 7 allées-retours, 7 allées. De Safa à Marwa, de Marwa à Safa, de Safa à Marwa, et ainsi de suite, jusqu'à finir à Marwa. À ce moment-là, elle a désespéré de l'aide des créatures et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aurait pu lui donner dès le début. Mais au début, elle recherchait des gens. Lorsqu'elle a désespéré de recevoir le secours des créatures d'Allah azza wa jalla, et qu'elle a placé toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle a abandonné son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala, immédiatement Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam. Et de son aile, il a creusé et ça a sorti la source d'eau Zamzam. Regardez dans sa difficulté comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru. Ensuite dans le hadith, et sache que ce qui t'a touché ne pouvait te rater. C'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jalla décrète une chose, elle est inéluctable, tu ne peux la repousser. Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que veut Allah se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et maratib al-qadar arba'a, les étapes du destin auxquelles nous devons avoir foi, sont nombre de 4. La première, al-ilm, c'est le fait de savoir qu'Allah sait tout. La deuxième chose, c'est le kitaba, c'est le fait de savoir que tout est écrit. La troisième chose, c'est le mashi'a, la volonté. C'est le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et quatrièmement, le khalq, qu'Allah nous a créé nous et ce que nous faisons. Donc on doit avoir foi au destin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, et sache que la victoire vient avec la patience. Lorsque tu es dans une difficulté et que tu veux recevoir le secours, ça ne va pas venir directement par moment. Il ne faut pas te décourager et te demander « Mais pourquoi Allah ne me donne pas ?» Non, Allah Azza wa Jal a entendu ton invocation. Mais Allah est « A'lam wa ahkam » Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah est sage et par moment il retarde la réponse pour que tu le supplies, pour que tu te rabaisses et pour que tu l'invoques et tu répètes et tu répètes, pour que tes récompenses augmentent. Puis seulement il te donne le secours comme il l'a donné à Hajar. وَأَنَّ فَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Il y a avec la mada et la facilité vient après la difficulté. Lorsque tu as une épreuve, sache que le secours d'Allah est proche. Quand tu as un mal, sache que le bien va venir. Lorsque tu es malade, inshallah la guérison va venir. Et ainsi de suite dans toutes les étapes de ta vie. Et comme on a dit, ce hadith est un hadith azim. Et tout ce qu'on a dit, on l'a dit en 2 cours, mais si on parle des heures et des heures et des heures, on ne donnera pas son haq à ce hadith. Et on s'arrête donc sur cela en demandant à Allah Azza wa Jal de nous permettre de mettre en pratique ce qu'il y a dans ce hadith. Le but c'est pas de le lire et de l'entendre. Non, le but c'est d'agir et d'avoir cette aqidah qui a été citée dans ce hadith. Tu préserves les limites d'Allah Azza wa Jal et Allah va te préserver dans ta vie et dans ta dunya. Tu dois savoir que personne ne peut te nuire sans que Allah ne l'ait écrit. Et personne ne peut te faire du bien sans qu'Allah ne te l'ait écrit. Tayyib, et le destin a été décrété. Anas Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha qulubana wa yuwaffiqana ila kulli khayr ila khayri dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arfa' darajatina bi ittiba' sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وسلم عليه وبارك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.